بسم الله الرحمن الرحيم. في درس الماضي أخذنا ماذا؟ قياس. القياس. تذكر التعريف؟ تسوية بالأصل، تحكم العلة. تسوية فرعين. فرعين بأصل. بأصل. طيب، من هنا قلنا أركان للقياس بكتخ المذكورة في التعريف، ما هي؟ فرع. الفرع أولا سنقلس المقيس يكوى الأصل، هذا هو المقيس عليه. أقوى العلة لكوز. ورابع لا في كل بدو قياس يدعيبها كوا أي تبليغ عن حكم يبسي له حكم. Et on a dit que le قياس principalement a des deux formes. ما هما؟ جلي وخفي. أحسنت. والجلي والذي في الغالب نجد فيه القياس الصحيح. القياس الصحيح في الغالب يكون في الجلي. C'est pas dire que tout jali est forcément صحيح. C'est dans le jali que tu vas le trouver. أما l'autre, الخفي هذا نوع ضعيف. القياس الصحيح سين حجة. القياس الصحيح سين حجة. عند الجمهور. الآن سنواصل. سنأخذ التعارض. سنا التون aussi ترتيب الأدلة. إن شاء الله. التعارض. تعريفه التعارض لغة التقابل والتمانع. C'est les choses qui se font face. Et c'est comme une forme d'impossibilité. واصطلاحا تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر. Maintenant, c'est le fait que tu as deux dalils qui s'opposent en fait. Tu as deux dalils qui s'opposent l'un à l'autre. Donc comment agir dans ce genre de situation? هذا هو المقصود من هذا الباب. يقول اقسام التعارض اربعه. Donc ces formes de ta'arud sont de quatre. القسم الأول أن يكون بين دليلين عامين ولو أربع حالات. Que cela a lieu entre deux dalils عام. D'accord. Et c'est cette situation, et ce cas-là, ce qisme-là, il a quatre cas de figure. Le premier, أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على الحل على حال لا يناقض الآخر فيها فيجب الجمع. C'est-à-dire maintenant, c'est quoi la première situation, cas de figure, de lier entre les deux. C'est la première étape à faire. Essayer de lier entre les deux. Un exemple. قول النبي صلى الله عليه وسلم. يذكر الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن. Il a dit à son prophète صلى الله عليه وسلم. وَإِنَّكَ لَتَحْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Certes, tu guides vers un chemin droit. Sur la prière de Kitab Tawhid, les mas'alas. وَفِي آيَةٍ أُخْرَى قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّكَ لَتَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. Certes, tu ne guides pas qui tu veux. Donc là, on a pas, qu'est-ce qu'on a? Un ta'arud. Les deux adilés s'opposent. Ma wa al-jawab? C'est que... والإرشاد سي التوفيق والأهم سي صافي سي الهداية لدي أقسام سي التوفيق سي لا يكي الله كي لأكعد سي لكي كونسرني par le deuxième verset إنك لتهدي من أحببته ولكن الله يهدي من يشاء Là, il parle de quoi, Allah subhanahu wa ta'ala, du hidayat tawfiq. Et le premier verset, innaka la tahdi ila siratal mustaqim, tu guides ça de marche au main droit. Là, c'est hidayat al-dalala wa al-irshad, qui l'indique. Et cela, elle est pour Allah et également pour la créature. Comme les anbiya, comme les ulama, comme les du'at, ou comme toute personne qui aurait été une cause de guider pour quelqu'un. أما التوفيق personne ne la possède par Allah subhanahu wa ta'ala. ثانيا, donc c'est le premier cas de figure du joint entre les deux, si cela est faisable. فإن لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ فيعمل به دون الأول. Maintenant, on va dire que celui qui est venu en dernier du dalil vient pour abroger le premier si on connaît la date, ce qu'on est l'ordre chronologique, que le deuxième est venu, vous voyez, tardivement après le premier. Là, on parle dans quel cas, si on ne peut faire un jam entre les deux. Exemple de cela, قوله تعالى فَمَنْ تَطَوَّرَ خَيْرٌ فَوَ خَيْرٌ لَهُ وَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Que Allah dit, celui qui jeûne, c'est-à-dire de façon surrogatoire, sur les meilleurs pour lui. Afouane, celui qui donne, qui nourrit, on va dire, un pauvre, cela est bon pour lui, mais que vous jeûniez, cela est meilleur pour vous. Donc là, ce verset, qu'est-ce qu'il montre ? C'est que tu as le choix entre nourrir un pauvre ou alors le fait de jeûner, à savoir que jeûner est meilleur. Ça, c'était quand? Au début. Avant que Ramadan ne devienne un rukn. Et ensuite, est venu l'autre verset. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ شَهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Il a dit maintenant, celui qui a vu le char, c'est-à-dire qui est présent, d'accord, qui est présent, alors qu'il le jeûne, là, c'est une obligation qui est venue. Et celui qui est malade ou qui est en voyage, alors qu'il rattrape ses jours. Donc là, le deuxième verset est venu abroger le premier. D'où le fait que des ulama disent que la mas'ala, le fait de nourrir un pauvre, c'est ça, c'était au début, quand le siyam n'était pas wajib. Quand il a été rendu wajib, le qawl sahih ar-rajih, c'est que si tu ne peux pas jeûner les jours que tu as ratés, tu n'as pas la possibilité de jeûner, ma'alek shay. Mais les mustahab que tu nourrisses un pauvre, comme l'ont fait des sahaba. C'est le masala, il y a un khilaf, mais le kol qui est plus authentique, c'est celui-là. Car le fait de nourrir un pauvre, c'était avant. Après, le deuxième verset ne dit pas de nourrir un pauvre. Il dit, fa'iddatun min ayamin ukhar. C'est tout. Tu rattrapes tes jours. Si jamais tu ne peux pas, il n'y a pas eu de hukm dans le deuxième verset. Fahim ta'ada? Celui qui était dans Ramadan, qui était malade, qui n'a pas pu jeûner, et par la suite ne peut pas jeûner toujours, et il n'y a pas espoir qu'il se rétablisse pour jeûner, lui, ma'ali shay, à la sahih. Mais s'il veut, ce qui est mustahab pour lui, se basant sur le fait des sahaba, c'est qu'il nourrit un pauvre. Comme ça, au moins, il sort du khilaf, si jamais il n'est pas tranquille. Et cela a été prouvé comment que il y a un nasr, c'est le hadith, dans le sahihain, de Salama ibn al-Aqwa' qui l'a dit, Ey qala nasakhatha, que le deuxième verset a abrogé le premier. Ça a été confirmé par les sahaba. Thalithan, troisième cas de figure. Fa'in lam yu'alam at-tarikh, umila bi rajih in kana hunak murajjah. Si on ne connaît pas la date, l'ordre, alors qu'est-ce qu'on fait prédominer? Celui qui est plus fort des deux. Si jamais cela est faisable. C'est quoi l'exemple? Qu'on le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man massa zakarahu falyatawadda. Celui qui touche son pénis, qui repasse le dos. Donc le zahir, c'est quoi? Que le fait de toucher son pénis, ça annule le dos. Apporté par les khamsa. Et il fut interrogé également à propos de l'homme qui touche ton pénis, Est-ce qu'il doit faire l'ozo? Qu'est-ce qu'il a dit? Non. Là, innama ya bizatun mink. C'est juste une partie de toi. Ce pénis n'est qu'une partie de toi, donc tu n'as pas à refaire l'ozo. Donc là, on a quoi? Ta'arud. On n'a pas connu la date. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Là, il y a un khilaf dans la mas'ala. Jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui disent que ils ont hammel à l'istihbab. Le fait de refaire l'ozo, c'est mustahab. Le os, c'est que ça n'est pas l'ozo, mais c'est mustahab pour toi. Donc, ils ont dit non. Déjà, les deux ont été rapportés par les cinq. Les deux hadiths, par les cinq. Cependant, le premier hadith, qui donne l'ordre de faire l'ozo, il a plus de touluk, plus de voix qui ont été rapportées. Donc, il est plus nombreux que l'autre. Et il a plus de gens qui le rendent, qui l'authentifient que l'autre. Et également, il dit, il est naqil an al-asl. Il te sort de l'origine. Il t'apporte une chose nouvelle. Donc, la chose qui t'apporte une chose nouvelle te rapporte un surplus de ilm. Ce qui démontre que cette chose-là sort de la base. La base, c'est quoi? C'est que t'as pas à faire l'odo. La base, t'as pas à faire l'odo. Donc, ce hadith-là te dit de faire l'odo. Donc, il te sort de l'origine. Donc, ouais, on le qaddam à l'asl. Ça, on va le prendre dans les tartib adillah. Que le naqil an al-asl, muqaddam à l'asl. Si demain, t'as une chose, c'est ça, c'est son origine, et que t'as un dalil qui vient, qui te sort cette chose-là de son origine, celui-là, tu fais passer sur le premier. Donc, le Coran a dit dans la mas'ala, celui qui touche son pénis, fait l'odo. C'est valable également pour la femme. Qu'un autre hadith sont venus pour la femme également. Firabi yaqul, quatrième cas de figure. Fain lam yujed muradjih wajaba et tawakuf wala yujed ou la oubifel. Sahih. Et si on ne trouve pas de muradjih, c'est-à-dire que ni on a pu lire entre les deux hadiths, ni on a trouvé le tarikh pour pouvoir faire un nasr, abrogation, ni on a pu faire un tarjih, rendre un dalil plus fort que l'autre. Quatrième étape, qu'est-ce qu'on fait? On s'abstient. On s'abstient de mettre hukm. Et cela, dans quel sens? On ne dit pas qu'il n'y a pas de hukm. On dit juste, nous, moi, à ma limite de science, je ne suis pas en mesure de faire un hukm, c'est parce que Allah me fasse comprendre la mas'ala. Car en réalité, il n'y a pas de tanakud entre les textes dans l'islam, comme cela va arriver. C'est ce que nous, on n'arrive pas à assimiler. C'est tout. Mais il n'y a pas de tanakud. Kana ibn Khuzaymah yakoul, venez-moi avec deux hadiths qui s'opposent, je joue entre les deux. Regardez-moi deux hadiths authentiques qui s'opposent, je vais vous faire un jam entre les deux. Donc ça, c'est le premier cas avec deux dalil am. Deux dalil am. Un dalil qui est am, un autre qui est am. ثم قال القسم الثاني أن يكون التعارض بين خاصين من entre deux dalils khas entre deux dalils khas كذلك il a quatre cas de figure أولا comme le premier إن يمكن الجمع بينهما فوجب الجمع si on peut lier entre les deux on le fait مثلا l'exemple le hadith de Jabir رضي الله عنه dans le sifat du hajj du Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam salla adh-dhuhr yawm an-nahr bi Makkah. Et que le jour du sacrifice il a fait le dhuhr à Mecca. Et un hadith de Ibn Omar radhiyallahu anhuma qui dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a fait la salat à Mina. Donc comment là on a deux textes différents sur une même mas'ala. Deux faits qui s'opposent ça. Ils ont dit quoi? C'est quoi le jam? C'est tout simplement que, à la base, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le hadith de Jabir, il a fait dhuhr à Mecca. Après, il est parti. Lorsqu'il est arrivé à Mina, il a refait le dhuhr pour ses ashab. Il a fait une deuxième jama'a. En fait. Fahimt? Adaw, le jam. Donc là, le jam, il était faisable. Donc, il est obligé. C'est obligé de le faire. En premier lieu. Thumma, kazalik. Si on connaît, on peut faire de jam, qu'est-ce qu'on fait? Si on connaît le ta'alikh, qu'est-ce qu'on fait? Allez, on nasr, comme dans l'autre. Un amouta akhir, y'en sort, un amouta kaddim. Exemple. Qu'Allah ta'ala, يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك. Et le premier verset, Allah, il a autorisé au Nabi sallallahu alayhi wa sallam de prendre les femmes à celles dont il donne le mahr. D'accord ? Les femmes sans nombre défini, qui se met avec qui il veut, dans le sens. Les femmes permises, bien évidemment. Thumma, dans un autre verset, il dit, Azza wa Jal, la yahillu laka al-nisa من بعض ولا ان تتبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن. Après cela, il lui dit qu'il ne peut permettre de prendre des femmes, de changer celle qu'il a, même pour une autre qui serait plus belle. C'est fini. Donc là, on dit que le deuxième verset est nasir du premier. En premier lieu, c'était permis pour lui, et à la fin, cela lui a été rendu interdit. C'est-à-dire d'appliquer comme dans le premier verset. Et là, on parle de ce que le chir donne comme exemple. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il y a ijma. Là, ils vont peut-être vous dire, non, il n'y a pas de nas, il y a autre chose. Ils vont trouver une autre solution, une autre réponse. Même d'ad. Nous, on ne rentre pas dans l'approfondissement là-dedans. Naktavi bil kitab. Mais pour pas que quelqu'un se dise, c'est comme ça, et il dit, khalas, il y a eu un nas. On dit, non, il y a d'autres problèmes, ils ont vu autre chose. Attention. La test argile. Toi, si on te prend dans la masra, tu dis, chir en fémine, dans tel livre, il dit tel qawl. Fais pas un jazm, c'est ça le hukm. Tu sais pas. Peut-être qu'un autre alim, il a trouvé autre chose que le nasr, et il a un wajj dans ce qu'il dit. Ça, les fans, troisième cas de figure, il n'a mis à kun un nasr, umila bi rajih, in kana hunak murajih. Comme l'autre. Si on peut pas faire le nasr, il n'y a pas de nasr également, qu'est-ce qu'on fait maintenant? L'avis, le prépondérant, on le fait devancer. Comme dans quel mas'ala? Hadith Maymunah, رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. Que le Nabi صلى الله عليه وسلم s'est marié avec Maymouna alors qu'il était halal, en état de désacralisation. Et Ibn Abbas, lui, qui est le neveu de Maymouna, il dit, رضي الله عنه, que le Nabi صلى الله عليه وسلم s'est marié avec elle alors qu'il est muhrim. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait les ulama? Ils disent, il y a un tarar entre les deux hadiths. Mais Maymouna a dit une chose, Ibn Abbas a dit une autre chose. Et pourtant, qui est le plus savant des deux? Maymouna ou Ibn Abbas? À l'intlaq. Itlaqan. Ibn Abbas, le plus savant que Maymouna. Bila shak. Malgré cela, les ulama, ils ont fait quoi? Rajih, c'est l'école de Maymouna. Pourquoi? Car c'est elle qui est concernée par l'histoire. Donc elle est le plus savant dans ce fait-là. Et également, c'était confirmé par le hadith de Abi Rafi'a, quand il a dit quoi? J'étais le messager entre les deux. Il a confirmé que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec elle, était halal. Il a appuyé le call en disant que moi j'étais le messager entre les deux. Et ce call-là, Cheikh Saïd Da'as, s'en est servi une fois dans un munakasha qu'on a eu avec un frère, Ademej, qui était maftoun, et qui disait que Cheikh Foulen est plus savant, donc je prends son call. Donc il a dit quoi? Le plus savant, forcément, raison en tout. D'autres situations. Il lui a après sorti cet exemple-là. Il a dit, qui est plus savant? Maymouna ou Ibn Abbas? Enfin, il a dit, Ibn Abbas est plus savant. Après, il a dit, dans cette situation-là, les ulama, ils ont condamné le call de Maymouna. Pourquoi? Car ça l'a concerné elle, à la base. Ça s'est passé chez elle, c'est elle qui s'est mariée, c'est pas Ibn Abbas. Ibn Abbas, lui, il n'était pas concerné comme l'était Maymouna. Donc, malgré qu'il soit plus savant, la mas'ala, les juz'iyah, dans ce cas-là, c'est Maymouna qui était plus savante dans cette affaire-là. Donc il a dit quoi? C'était pas ça de Madj dans le Merkez. Cheikh Yahya est plus savant que quiconque. D'autres savants sont plus savants que lui. D'accord? Mais là, dans ce qui s'est passé à Madj dans ce Merkez par rapport à l'Adani et d'autres, c'est lui qui connaît l'affaire. C'est lui qui était là, c'est lui qui a vécu la chose. Donc il est plus savant que Cheikh Foulen. Donc c'est son call à lui qu'on doit condamner. Mais à la fin, il n'a pas voulu accepter l'autre. Pour te dire, même tu leur mets des kawa'id, des adillah, ils ne veulent pas accepter. C'est pour te dire que même dans le fiqh, tu peux avoir des éléments dans des fitnes qui te sortent de problèmes. C'est chiant, Amil. Tu peux même avec du nahou. Tu peux avoir une mas'ala qui te donne un indice pour savoir comment te comporter dans certaines situations. Donc le plus savant ne veut pas dire qu'il a raison dans tout. Il y a eu d'autres masaïl où Omar radiallahu anhu était plus savant que d'autres sahaba et ceux qui avaient raison. Comme le hadith avec Ammar ibn Yasir dans le tayammum. Que Omar ne voyait pas le tayammum pour la janaba. Et Ammar lui a cité le hadith. Il lui a rappelé, on était toi et moi en voyage. D'accord ? Et que moi j'ai fait le tayammum et toi tu n'as pas fait la salat. Et quand j'ai demandé au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Ammar qu'il a eu raison. Seulement, il lui a appris comment faire le tayammum de façon légiférée, réelle. Car Ammar, lui, s'était roulé dans le sol. Il ne savait pas comment faisait le tayammum bizopt. Malgré cela, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam a donné raison à qui ? À Ammar. Et qui des deux est plus savant ? Ammar ou Omar ? Omar. Mais là, échec. طيب رابعا quatrième cas de figure c'est le même que l'autre il lam yujad murajjih wajaba tawaqquf tu ne peux pas faire prépondérer un avis sur l'autre qu'est-ce que tu fais à ce moment-là tu fais un tawaqquf tu t'abstiens car même dans les adillah tu as des ahadith certains sont asah min ghayrihima ou min ghayriha tu as des ahadith sont plus authentiques que d'autres donc quand tu as un hadith qui est authentique il y a un qui est plus authentique et un ta'arud, tu condamnes le plus authentique des deux. Thumma il dit Al-Qism al-Thalith Troisième An yakuna ta'arud bayna am wa khas Fayukhassas al-am bil-khas Tout simplement. T'as un dalil am qui s'oppose à un dalil qui est khas. Un qui est général avec un hadith qui est spécifique. Qu'est-ce qu'on fait? Le spécifique, il vient pour spécifique, c'est lui qui est âme. Ça, on l'a pris au début. Là, il n'y a pas de mouchkila. L'exemple, qu'on le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fima zakat al-sama al-ushr. Dans tout ce qui a été arrosé par les cieux, dans la zakat, on sort le dixième. Rappel de cela, la mas'ala. Après, il a dit quoi? Laysa fima dun khamsat awsiq sadaqa. Tout ce qui est en dessous de khamsat awsiq, il n'y a pas de sadaqa. Donc là, il a fait un tarsis. Au début, il a dit quoi? Fima Ma c'est ismousul. C'est-à-dire que tout ce qui est arrosé par les cieux, on sort le dixième. Et après, il a dit ce qui est en dessous de khams awsiq, ce qui revient à situn sa'a, comme on avait expliqué, il n'y a pas de zakat. Donc ce deuxième hadith est venu pour spécifier le premier. Et également, il a dit que tout ce qui est du zakat, c'est pas tout ce qui sort du sol qui est du zakat. Il y a quatre choses. Donc après, c'est encore un autre tarsis qui vient encore. Il y a encore un autre tarsis qui vient encore. C'est pas tout. ودانيا قسم الرابع ان يكون التعارض بين نصين احدهما عام من الاخر من وجه واخص من وجه لو ثلاث حالات maintenant qu'il y ait un ta'arud entre deux textes l'un des deux est plus général que l'autre d'un côté طيب et plus spécifique que l'autre d'un autre côté il dit là il y a trois cas de figure le premier ان يقوم دليل على تخصيص عموم احدهما بالاخر فيخصص به donc si jamais l'un des deux a un tarsis d'une généralité alors celui-là on le khassas par ce hadith là par ce dalil là tu vas comprendre مثاله يقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرة c'est d'entre vous qui viennent à décéder qui laisse des femmes dans une période de idda de 4 mois et 10 jours. Donc là, c'est un dalil qui est âme par rapport à quoi? Des femmes. D'accord? Sans préciser. Et l'autre verset, « Wa ulatu al-ahmal ajluhunna yadorna hamulahunna » Et que ceux qui sont enceintes, c'est quoi leur délai jusqu'à ce qu'elles accouchent. Donc ça veut dire quoi? Que le premier verset, il est âme. Il concerne celle qui est enceinte ou pas. Et le deuxième, il est spécifique ras pour qui? Celle qui est enceinte. Donc qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On khassas le premier verset. Il fait exception à quoi? À la femme qui est enceinte. Ça veut dire que si jamais cette femme qui est enceinte, son mari, mathalen, que sa idda, elle s'arrête quand? Quand elle accouche. Que ce soit que son mari meurt en début de grossesse, elle fera une idda de 9 mois, ou alors que ce soit la nuit, la veille qu'elle accouche, ce sera une idda de une nuit. Comme dans le hadith de Soubi'a, qu'elle était enceinte, elle a accouché, la nuit où son mari, la veille que son mari est mort. Ou plutôt son mari, il est mort, la veille qu'elle accouche. Après, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, une fois qu'elle a accouché, l'a autorisé à se marier. Ça prouve que quoi? Elle est sortie du umum. Que sa ida, elle, n'est pas comme celle d'une autre. Fahimt? Thumma qal, wa lam yakum dalil ala tarsis umum ahadihima bil akhar, umila bi rajih. Et si on ne trouve pas, entre les deux, un tarsis par rapport au umum, on fait quoi? On fait un tarjih. Tarjih, c'est on rend le dalil qui est plus fort des deux en premier. L'exemple qu'il donne, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Dakhala ahadukum al-masjida, fala yajlis hatta yusalliya rakatayn. » Si l'un d'entre vous rentre dans le masjid, qu'il ne fasse pas, qu'il ne s'assoit pas, tant qu'il n'a pas fait rakatayn, deux rakat. Ce qu'on appelle tahiyat al-masjid. Ça, c'est une tasmiya qui est istilahiya. Elle n'a pas de dalil à la base, mais c'est les ulamas, ils l'ont appelé comme ça. Et dans un autre dalil, qu'est-ce qu'il dit, sallallahu alayhi wa sallam, « La salata ba'da subh hatta tatlu al-shams, wa la salata ba'da al-asr hatta taghrub al-shams. » Il n'y a pas de salat après le subh, c'est parce que le soleil se soit levé, et qu'il n'y a pas de salat après l'asr, c'est parce que le soleil soit couché, c'est-à-dire pour le maghrib. Donc le premier dalil, il est khas pour tahiyat al-masjid, mais il est général pour le temps, c'est-à-dire à n'importe quel moment. Et l'autre, il est khas pour le temps, d'accord, mais il est âme général pour salat qui concerne tahiyat al-masjid ou autre qu'elle. Ça veut dire que à un temps précis, d'accord, c'est un temps précis, et la peur, c'est que toute salat, tu ne la fais pas. Et l'autre, c'est une salat précise que tu fais à n'importe comment, en tout temps. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, on qaddam le premier sur le deuxième. C'est-à-dire, tahiyat al-masjid, tu le qaddam sur l'autre hadith. C'est-à-dire que, même si, mathalen, le soleil, il est en train de se coucher, ou autre, tu rentres dans le masjid, tu t'assois, tu fais tahiyat al-masjid. Et également, cela est valable pour le fait, mathalen, de faire une salat que tu as ratée. Tu arrives en retard à la salat, à l'heure de l'interdiction. Ta salat, tu dois la faire avant que le temps il sorte. Donc c'est kazalik. Donc ils ont dit, si jamais ça c'est, il y a un tarsis pour ce salawat-là, tahiyat al-masjid également en dedans. En fait, ils ont dit, tout ce qu'il y a, zat sabab, qui est une cause comme salat, elle a une cause à la base, tu l'as fait, à ce moment-là. T'as fait l'ouzo, t'es habitué à faire rakatayn après l'ouzo, tu l'as fait. Tu fais astikhara, tu l'as fait. Amma al-nafl mutlaq, celui qui n'a pas de cause, tu ne le fais pas. D'accord? Tu ne le fais pas. Et troisièmement, troisième cas de figure, وَإِنْ لَمْ يَكُمْ دَلِيلُ وَلَا مُرَجِّحْ لِتَخْصِيصْ عُمُومْ أَحَدِهِمَا لِثَانِي وَجَبَ الْعَمَلْ بِكُلِّ مِنْهُمَا فِيمَا لَا يَتَعَارَضَانَ فِيهِ وَالتَّوَقُّفْ فِي السُّورَةِ الَّتِي يَتَعَارَضَانَ فِيهَا. Donc si après cela on ne trouve pas de tarjih, ni rien du tout, et on ne peut pas faire de tarsis sur ce qui est am, on applique chacun des deux dalil tant qu'il ne s'oppose pas au premier. Et si jamais on ne peut pas, c'est au moment où les deux s'opposent, qu'est-ce qu'on fait? Tawakkaf, on s'abstient. On s'abstient. Car comme on l'a expliqué, en réalité, il n'y a pas de tanakud, pas de nusus shad'iyya. C'est juste nous, notre faible recherche, mathalen, ou compréhension, ou غير ذلك. Et après tu fais doua que Allah t'wafak pour trouver la solution de ce problème là. ثم ذكر رحمه الله تعالى الترتيب بين الأدلة. Maintenant, quels sont les adillah qu'on fait passer en premier, l'ordre des adillah, parce qu'on a des adillah, lesquels passent en priorité. قال إذا اتفقت الأدلة السابقة الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حكم أو انفرض أحدهما من غير تعارض وجب إثباته. Maintenant, si les adillah viennent du kitab, de la sunna, de l'ijma, de qiyas, fait un jugement, et que l'un d'entre eux s'individualise sans s'opposer à un autre, alors on doit l'appliquer. Si jamais il s'oppose en apparent, comme nous on vient de le prendre là, on fait comme on l'a dit précédemment, dans l'autre bab, soit le jam, soit le nasr, soit le tarjih, sinon le tawakkuf. Maintenant, si on a des adillahs d'une même catégorie qui s'opposent, plutôt un dalil d'une catégorie par rapport à un autre. La salène, tu codes d'âme. Attends, monsieur, là. Après, il dit maintenant dans le tarjih, en fait. Dans le tarjih, qu'est-ce qu'on fait? Là, il a été dit qu'on va faire justement le tarjih qu'on a pris dans l'autre bête précédent. Comment choisir entre les adillahs les plus forts des deux sur l'autre? Mathalen, quand on a deux adillahs entre le kitab et la sunna, وقدم كوا مثلا النص على الظاهر النص على الظاهر le nas c'est quoi? C'est celui qui ne c'est le texte qui n'apporte qu'un seul sens, il est clair, il est limpide. Et le zahir, on a dit quoi? C'est quoi le zahir? Celui qui a ça paraît le sens prépondérant avec possibilité qui a un autre sens. Donc là, quand tu as un nos et un zahir qui s'opposent, qu'est-ce qu'on fait? On donne le nos à la zahir. Après, on a un zahir qui s'oppose à un mu'awwal. Le mu'awwal, c'est celui qui s'oppose à son côté apparent, qui est interprété. Donc, on donne le zahir à le mu'awwal, en premier. Après, on fait quoi? On a deux nos, un mantouk et un mafhoum. C'est quoi un mantouk? C'est un texte dont le jugement est prononcé clairement. Et le mafhoum, c'est un hukm qui est déduit d'un texte. C'est-à-dire, il n'est pas clair, mais tu le déduis clairement. Comme le fait, mathalan, qu'on a pris hier, de frapper les parents. Est-ce qu'on a un texte mantouk qui le prononce clairement? Non. C'est déduit de quoi? Wala takullahuma ufin. On a dit quoi? Mafhoum de ce verset, que nous, on n'a pas le droit de faire du mal aux parents. Donc, parmi les pires choses qu'on peut faire, les frapper. Donc si jamais demain tu as un texte, un dalil, mantouk, qui est prononcé, qui est clair, et un autre qui est mafoum, qui est déduit, lequel des deux tu codes d'âme sur l'autre, s'il s'oppose, le mantouk. Après tu codes d'âme le mousbit à l'annafi. Celui qui affirme, tu codes d'âme à celui qui est, lui, qui renie. Tu as un texte qui dit fait et un texte qui ne fait pas. La salade. Plutôt un texte qui dit cela a été fait et un texte qui dit cela n'a pas été fait. Tu codes d'âme le mousbit. Ça, c'était dans le tarjih. Dans le tarjih, non. Non, si tu peux faire le jam, tu as fait le jam. Là, on parle dans le tarjih. Dans le tarjih. Mais dans le mousbit et la nafi, il y a des exceptions des fois. C'est pas dans l'absolu. Mais c'est la base. Après, tu codes le naqil an al-asl al al-mubqi alayhi. Demain, tu as un jugement, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est connu. Et après, tu as l'autre hadith qui s'oppose à celui-là, qui sort de ce jugement pour arriver à autre chose. Ben, tu codes d'âme celui-là à l'autre. Pourquoi? Parce que le naqil an al-asl t'apporte un surplus de science. Donc c'est une chose nouvelle. Comme l'exemple du hadith celui qui touche son pénis. Après, on fait quoi ? On qaddam le amal mahfouz, wa wallazi lam yukhassas, ala ghayr mahfouz. C'est-à-dire, demain, tu as un âme qui n'a pas de tarsis et un âme qui a un tarsis. Tu condamnes le âme qui n'a pas de tarsis. C'est-à-dire qu'il est plus fort. Il est plus fort que l'autre. Il est plus général, ça veut dire. Qala wa ma kanat sifat al-qabul fihi akthar ala ma dunahu. Tout ce qu'il y a des caractéristiques qui font que ce dernier soit accepté plus qu'un autre, tu le condamnes. Par exemple, tu as un hadith qui a plus de touluk, qui a plus de gens qui l'authentifient, tu le condamnes à un autre. Que celui qui rapporte l'histoire, qui a vécu l'histoire, si jamais il s'oppose à un texte de quelqu'un qui n'a pas connu l'histoire, tu le condamnes. Comme par exemple, le hadith de Maïmouna ibn Abbas, ou le fait que Aïcha s'est opposée à Ibn Omar, qui a fait le... Non, ça c'est un autre cas. Et demain, tu as deux dalils d'Ijma' qui s'opposent, soi-disant. Tu en as un qui est Qat'i et un qui est Zanni. Lequel des deux que tu vas condamner? Le Qat'i ou le Zanni? Le Qat'i, parce qu'il est plus fort. Et t'as, demain, tu as deux qiyas. Un qui est Jali et un qui est Khafi. Lequel tu vas condamner? Le Jali. Voilà, tu as compris. Hadha alladhi khasna al-yawm. Mafhoum? Fa ila huna. Subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.